tranquilo. Abre los ojos. Clair obscur. Musique sombre sur Rage. Bonsoir à tous. Yeah, waouh, devrais-je dire, puisque c'est une émission spéciale glam qui vous accueille dans Clair Obscur ce soir avec Stéphane, avec Nathalie et avec des invités. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour une fois, nous ne sommes pas tout seuls, Nathalie et moi-même, en studio. Je suis bien entourée, oui. Voilà, puisque tu es même encerclée, j'aurais tendance à dire, avec ces deux messieurs à côté de toi, puisque nous recevons, nous avons le plaisir de recevoir, devrais-je dire, Guillaume, qui nous a déjà rejoint dans Clair Obscur à l'occasion d'une émission spéciale Psychobilly il y a quelques mois. Bonsoir. Mais bonsoir tout le monde, bonsoir le monde. Alors tu vas nous ramener quelques-uns de tes cool cœurs musicaux, notamment Alice Cooper, et j'en passe, et on garde la surprise pour la playlist à venir. Et toi Nathalie, tu nous as sélectionné quelques groupes glam goth pour illustrer cette émission consacrée à la scène glam justement. Plus glam que goth quand même, hein, à l'ancienne. Eh ben écoute, on te fait confiance et Stéphane de que vous connaissez pour être un des affreux Jojo de l'émission Tapage Nocturne nous a aussi rejoint dans les studios. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Tu as un prénom ridicule, tu sais ça ? Je suis aussi une grosse glamouse à mes heures perdues. Voilà. Et comme on était quatre ce soir exceptionnellement dans cette émission, ben on en a profité non pas pour faire une belote, mais pour se maquiller tous comme les membres du groupe Kiss. Donc si vous avez une webcam, si vous nous écoutez sur internet, vous pouvez la brancher et voir ces messieurs en cabine et en messieurs, studio. Messieurs, merci. Et oui. Cette charmante demoiselle. Merci. Un peu poilue la gamine, mais bon. Ça se réglera en antenne. Tu me botteras le cul en antenne. Avec plaisir à la demain. Et en tout cas, donc, on a laissé le maquillage de Gene Simmons à Stéphane puisque c'est lui qui tire le mieux la langue. Et pour vous accueillir dans cette émission consacrée à la scène glam ce soir, on avait envie de commencer par un classique, en tout cas pour ma part, un mec qui m'a beaucoup influencé puisque vous aurez reconnu David Bowie avec le morceau Suffragette City qui était sorti sur l'album Ziggy Stardust en 1972, album qui a été repris une dizaine d'années plus tard par le Peter Murphy et le groupe Bauhaus, donc le groupe qui a inventé la scène goth s'est largement inspiré de David Bowie, et pour cause, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Et on va continuer cette playlist avec un morceau que nous a ramené Stéphane, un morceau du groupe Sweet. Oui, parce que le glam rock est quand même né en Angleterre, tu parlais de Bowie, et il est né au début des années 70 avec une vague de groupes comme Sweet, il y avait aussi T-Rex, Slade... Et Sweet, et pour moi. Slade, c'était un peu le glam prolo. Ouais. C'était des mecs qui parlaient avec l'accent cockney, etc. Enfin, je me souviens quand j'étais petit, ouais. C'était le plus hard de tous. Il sans a influencé doute, beaucoup de groupes de hard rock. Et Sweet, c'était un groupe important de cette époque-là qui a sorti une poignée d'albums dans les années 70 et qui a splitté, comme la plupart de ces groupes, au début des années 80. Et j'ai choisi un morceau de leur deuxième album qui est pour moi leur meilleur, Desolation Boulevard, qui était sorti en 74. Sincèrement, si vous connaissez pas et que vous êtes fan de Bowie dont on parlait tout à l'heure ou de Queen, parce qu'il y a une grosse similarité au niveau des harmonies vocales, jetez-vous sur la discographie de Sweet. C'est vraiment un des groupes piliers du glam rock. Et donc j'ai choisi le morceau qui ouvre ce Desolation Boulevard et c'est le morceau The Sixteenth de Sweet. In 68, Julie was Johnny's date. Two kids growing together, living each day as if time was slipping away. Strong if you're one of the 16s. And life goes on. You know it ain't easy. You know you'll never go wrong, 'cause you're all part of the 16. To make the big time, maybe they can put it all together in a show that lasts forever. Oh, they would walk the strip at night and dream they saw their name lights on Desolation Boulevard. They like the faded light. Susie and Davey, you can make it. But life goes on. You know it ain't easy. You just gotta be strong if you're one of the 16. And life goes on. You know it ain't easy. You know you'll never go wrong, 'cause you're all part of the 16. We'll be right back. were you in 68 when Bobby and Billy thought that 68 was out of date? They took the flowers from their hair and tried to make us all aware. Too bad, too late. If you're one of the 16s. Alors moi je connaissais pas ce morceau, je connaissais pas le groupe, je connais pas grand chose au glam, j'avoue, hein, donc j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus. Ben le morceau de Sweet dont tu peux me rappeler le nom s'il te plaît. The Sixteens. The Sixteens, c'est ça. Ben moi je connais The Sweet par un film, un des films cultes on va dire. Mais oui évidemment. Présenté un petit peu le glam. Le hard rock d'une manière générale. Le hard rock d'une manière générale avec une reprise justement des Sweet Ballroom Blitz. Qui était leur plus gros tube. C'est le titre qui les a vraiment propulsés au devant de la scène. Donc on retrouve une des reprises de ce titre parce que c'est un titre qui a été quand même beaucoup repris depuis plus de 30 ans. Et le film c'est Wentworth avec beaucoup de classiques dedans. Un film dont je pense que beaucoup de monde quand même. Un grand monument philosophique pour beaucoup de monde. C'est vrai, ouais. Si vous vomissez là-dedans. Gardez le studio propre. Merci. Donc il y avait une reprise de Sweet Ballroom Blitz dedans. Moi je me souviens particulièrement de Gert qui fait je n'ai plus jamais écouté le morceau d'Hendrix de la même façon après qui fait Foxy Lady, vous vous souvenez? Ouais. Avec la serveuse. Ah oui, c'était assez impressionnant. J'ai essayé de le faire après mais je me suis pris un râteau. Allez comprendre pourquoi. Bref. Ça m'étonne pas. Là on sent la petite sauvage. Ah bah oui mais je vais manger là les poils aux pattes, tu vas y passer, je vais trouver quelque chose. C'est une émission sympathique à laquelle on vous convie ce soir. Bonsoir si vous nous rejoignez à l'instant. Et c'est une émission spéciale glam à laquelle on vous convie dans Clair Obscur. Alors j'ai pas envie de faire quelque chose de didactique hein. Si vous voulez vous renseigner sur l'historique du glam, vous allez sur Wikipédia, vous ouvrez la biographie de n'importe quel groupe emblématique de ce mouvement là et vous aurez tous les renseignements qui vous intéressent. Néanmoins on est obligé quand même de rappeler un petit peu un historique bref du mouvement, à savoir qu'il est né au début des années 70. Alors certains disent avec Alice Cooper à la fin des années 60, d'autres disent avec David Bowie en Angleterre et non pas aux USA, aux États-Unis. À mon avis, c'est à peu près en même temps. Au début des années 70, ouais. Donc je parlais de Ziggy Stardust, l'album emblématique qui est sorti en 72. À mon avis, tous ces gens se sont inspirés les uns les autres quand même. Je crois qu'on est un petit peu d'accord là-dessus. Et c'est vrai que c'est un peu comme quand on parle de Bad Cave et de Death Rock, l'un serait plus britannique, l'autre serait plus américain. Finalement, cette dichotomie n'a pas vraiment lieu d'être. Les deux mouvements se sont inspirés, les artistes des deux pays se sont inspirés mutuellement et ça a donné de très bonnes choses. Je pense notamment à la collaboration entre David Bowie et Iggy Pop, notamment, qu'on a tous en mémoire. Donc, on a parlé de groupes des années 70 avec David Bowie et on va y rester avec un groupe qui s'est illustré à la fin des années 70, notamment les New York Dolls, Guillaume. Il faut quand même parler du look parce que c'est une des choses les plus remarquables du glam rock, parce que c'est vrai que visuellement c'était un mouvement qui voulait sortir de la masse par rapport au groupe des années 60, très baba cool, hippie sur les bords. Et donc look excentrique, plateforme boots, paillettes. On parle aussi de glitter rock et non plus de glam rock. Et d'ailleurs les deux. Moi je crois que c'est la même chose. Bah, voilà, glitter ça veut dire scintiller, donc ça. Voilà les paillettes comme tu disais Nathalie. Maquillage. Les cheveux crépés. Voilà, le maquillage. C'était très très extravagant. Ouais, c'était très androgyne et c'est vrai que les New York Dolls dans le style étaient ressemblaient presque à des drag queens quoi. Pour la peine. Sauf qu'ils étaient américains pour le coup. Ben voilà, on passait outre-Atlantique pour arriver sur les New York Dolls. Donc un des premiers groupes à vraiment afficher une prestance androgyne dans tous les sens du terme, parce que c'était sur scène. Ça faisait allait... scandale aussi. Oui, voilà. Au niveau des scandales, de la presse et tout, c'était... beaucoup de groupes de glam rock ont fait scandale. On va en parler plus tard, entre Kiss et Alice Cooper, où il y avait des rumeurs assez hallucinantes sur ce genre de groupe. Mais pour le coup, les New York Dolls se sont formés fin début 71, faisaient des reprises au début de Rhythm and Blues, et puis de par le changement de formation, sont arrivés à un côté rock péchu, avec des chœurs et puis des sonorités assez féminines dans la voix aussi, quoi. Ça a été pour eux le côté androgyne n'était pas seulement visuel, finalement. Mais le côté androgyne, il a été aussi quand même repris par beaucoup de scènes, dont la scène gothique. Tu regardes London After Midnight, tu sais pas si c'est des messieurs, des dames. Il y a beaucoup de groupes comme ça qui ont continué à jouer sur cette ambiguïté. C'est vrai. Et Bauhaus avait repris non seulement le morceau Ziggy Stardust de Bowie, mais aussi le côté les prestations théâtrales en concert de David Bowie, qui s'inspirait d'ailleurs du kabuki. On parlait de Japon la semaine dernière. Et bien, c'est vrai que là, c'était encore une autre influence. Donc tu avais raison, Stéphane, de souligner l'importance du maquillage et de la mise en scène. Et ça a aussi influencé les New York Dolls par-delà l'Atlantique, avec ce côté androgyne des voix, notamment, dont tu nous parlais à l'instant. Ben oui, des voix, donc on va écouter ça de suite avec le morceau Personality Crisis du premier album, premier morceau sorti en 73. Ben écoutez, c'est dans Clair Obscur. Et c'est ce soir. We'll be right back. Un obstétricien d'avant-garde transforme ses résidus en œuvre d'art qu'on s'arrache à prix d'or. La sculpture en cordon ombilical. Ce soir dans Clair Obscur. Alice Cooper, à l'instant, je ne voulais pas faire une émission sans David Bowie. On ne pouvait pas non plus faire une émission glam sans Alice Cooper, n'est-ce pas Guillaume ? Ben oui, tout à fait, parce qu'ils se partagent un petit peu la vedette, les deux, hein, dans le côté un petit peu... Exubérance théâtrale. Moi, au niveau des concerts, parce que, comme tu nous l'avais dit dans... J'ai réécouté un vieux indie box, ouais. Tu sais, parce que nous avons. Nostalgique. Ouais, non mais. Ça lui manque. Souvenez-vous. J'ai un disque dur plein comme un œuf. Que voulez-vous? Et donc j'ai réécouté un vieil indie box dans lequel tu avais fait une spéciale Alice Cooper il y a donc de cela quelques années. Et tu avais précisé qu'il y avait des sacrifices de poulet pendant ces concerts. Non, oui. Non, ça c'est une mauvaise rumeur. La rumeur. Alors éclaire-nous un peu, s'il te plaît. Ben, ce que je peux vous éclairer, bon, disons que, comme je disais tout à l'heure, quand il y a les lumières sont sur un groupe, il y a souvent des mauvaises rumeurs qui tournent autour. Donc, c'était le Marilyn Manson de l'époque. C'était le Marilyn Manson. Qui sacrifiait des chatons et tout, on a tous eu le. Voilà. Ça, c'est n'importe quoi aussi. Oui, mais... oui. Oui, non, mais ça, voilà, ça fait vivre. En fait, l'histoire du poulet, c'est juste qu'on lui a jeté un poulet sur scène. Enfin, c'était une poule. Et lui, bêtement, s'est dit bon, ben, une poule, ça a des ailes, donc je vais la relancer dans le public. Et évidemment, elle n'a pas volé et le public l'a attrapé et l'a déchiré en morceaux. Mais bon, c'est pas très intéressant. Au moins, voilà. Ils ont mangé, voilà. Comme en est une rumeur. Non, mais voilà, Alice Cooper, c'est l'inventeur du rock théâtral, puisqu'il a commencé en 69. Il a fêté cette année d'ailleurs ses 40 ans de carrière. Et ses 60 ans, accessoirement, il est toujours là. Et Mais moi, j'ai une question. Alors, du coup, avec cette histoire de poulet, est-ce que Alice Cooper est sponsorisé par Kentucky Fried Chicken? Je ne pense pas. Avec du poulet recomposé. J'aurais pas dû citer une marque, mais bon, ou alors par une autre marque qui fait des ailes de poulet plein d'arthrose, etc. Genre McDonald's, par exemple. Voilà, casse l'exclusivité de KFC. Guillaume, mon petit Guillaume, de quel album était tiré ce fabuleux? De l'album Killer, sorti en 71-72, le quatrième du dit groupe Alice Cooper. Ben oui, là c'est la pleine période où justement Alice Cooper régnait, disons, sur la scène théâtrale, avec des shows énormes, des lumières de partout. C'était vraiment théâtral. Il y avait le côté comme on a pu le retrouver dans l'album qui est sorti 3 ou 4 ans plus tard, Welcome to My Nightmare, où il y avait ce côté outrageant, mais parce que lui arborait vraiment un maquillage spécifique. Alice Cooper, on se souvient quand même d'une gueule. Ouais. C'était macabre, mais il y avait toujours un petit esprit de second degré. Il y avait toujours un humour. Voilà. Je sais que Rob Zombie essaie plus ou moins de faire la même chose aujourd'hui. Marilyn Manson se prend un peu plus au sérieux de son côté, donc. Et Iggy Pop, qui était contemporain d'Alice Cooper, c'est vrai qu'avait un petit peu la même démarche, mais n'avait pas forcément ce second degré, ce côté second degré qu'on retrouvait chez Alice Cooper. Enfin, à mon sens. Hein. Eh bien, écoutez, donc c'était un classique dont il fallait se souvenir et qui est toujours un plaisir à écouter. On va revenir à un groupe un peu plus contemporain que nous a amené Nathalie, The Darkness. Oui, voilà, j'ai fait ma minette, hein, comme tu vas te moquer de moi encore. Oui. Mais le chanteur, c'est vrai que vous avez forcément dû l'entendre si vous avez jeté un œil sur la radio. Je parle de The Darkness, qui a fait passer un morceau ou qui est passé en boucle, jusqu'à l'écœurement même à un moment saturation. En playlist de rage, donc. Je sais pas si en playlist de rage, mais sur énormément de radios, ce gars, il est passé jusqu'à l'écœurement. Même au bout d'un moment, moi, j'ai fait l'impasse sur The Darkness. Il a fallu que je m'y réintéresse pour pas me dire « Berk, ça y est, encore un truc commercial sur d'autres radios concurrentes, on dira rien. » Je ne citerai pas de marque. Et voilà, donc ce soir, j'avais envie de vous faire partager un morceau de ce groupe qui a sorti un seul album, parce que le chanteur, après, a quitté le groupe pour des problèmes. Stéphane me dit deux, pardon. Deux albums. J'étais restée sur C'est pas grave, ma petite Nathalie. Tu m'en veux pas ? Non. Mais bon, voilà, donc c'est vrai qu'il a quitté pour des problèmes de drogue et tout, il était plus capable d'assurer en groupe, mais il a continué en solo. Ça arrive souvent, ça, dans le rock'n'roll, c'est bizarre. En général, c'est lié, ouais. Et même si la musique n'est pas 100% glam, c'est un groupe qui continue avec l'esthétique glam, avec vraiment le bon délire glam, avec sexe, drogue, rock'n'roll, même masturbation dans certains titres, je te jure, c'est marqué sur... Très influencé par Queen aussi. Queen qu'on n'a pas cité, mais qui était aussi un peu glam sur les bords quand même, dans les années 70. Très glam sur les bords. Très glam, même dedans, au milieu, sur les bords. De partout. En tout cas jusqu'en 77. Voilà. Mais continue sur The Darkness. Et sur The Darkness, voilà, donc je voulais vous faire passer un morceau qui se nomme Get Your Hand Off My Woman, enlève tes pattes de ma femme si tu préfères. C'est pas bon, hein, qu'il dit. Hein. C'est ce que ton copain est en train de se dire. C'est marrant, ce qui est marrant, c'est que les paroles sont un peu viriles comme ça, enlève tes mains de ma femme, avec une voix de falsetto. Il a une voix super aiguë. Oui, voilà. Mais quand tu vois le monsieur comme il est habillé, tu doutes pas de sa virilité. Oui. Allez, je vous propose d'écouter le Farinelli du glam avec ce morceau que nous a ramené Nathalie, Get Your Hand Off My Woman. You are strong and you are solid. You're the dreamer. jusqu'au royaume d'Hadès. Vos corps resteront inertes. Clair obscur. Les musiques dark sur Rage. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. J'adore ce morceau. Ah oui, effectivement, ce sont des sons gutturaux qui concluent ce morceau, puisque c'est le souffle rauque de Guillaume et moi-même que vous venez d'entendre dans Clair Obscur. Et c'était un de mes morceaux préférés de Jade Wayo, qui est sans doute le groupe glam goth français le plus connu, avec Dacist, qui était extrait de l'album Sex Magic, qui est sorti il y a 2 ans. Et bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints et ceux qui n'ont pas fui devant les cris gutturaux de Guillaume et Stéphane, hein, et de Stéphane, voilà, il y a beaucoup de Stéphane ce soir. Fais-nous un petit, là. Voilà, vas-y, fais-nous un petit. Donc, vous êtes bien sur Rage, dans Clair Obscur, chut, les enfants, vous êtes bien sûr. Laissez parler, la non, dame. Non, mais c'est vrai, ça, on peut pas s'exprimer ici. Excuse-moi, je vais tous vous virer. Bon, ça ira, pour cette fois. Donc, vous êtes bien sur Rage, dans Clair Obscur, vous nous écoutez sur le 90.3 pour le Vaucluse, le 102.5 pour le Gard et l'Hérault, bien sûr, sous le www.rage.fr pour le reste du monde, il y a les podcasts, il y a le Facebook, il y a le MySpace. Il y a les bouchées du Rhône aussi. Il y a les bouchées du Rhône. Il va faire un barbecue, il va faire les merguez. On n'a pas le droit de bosser. On n'a pas le droit, voilà, c'est ça, on n'a pas le droit, c'est une honte. Les Bouches du Rhône, vous nous captez un petit peu sur le 102.5. Les Bouches du Rhône, dont on vous a ramené aussi, puisque la scène régionale glam est aussi, on n'a pas l'occasion de l'illustrer ce soir, mais est aussi riche. Vous avez eu l'occasion de l'entendre il y a quelques mois dans Tapage Nocturne, dont Stéphane est un des animateurs, avec le groupe Raquel Trax. Nous-mêmes, avec Nathalie, dans Clair Obscur, on vous a ramené les Bridgettes, un groupe de Toulon, me semble-t-il, en tout cas de la Côte d'Azur, qui lui aussi s'illustre, c'est un peu quatre Joan Jets et Suzy Quattro. Donc la scène régionale est assez riche, on aura l'occasion de vous le prouver plus tard, on n'a pas le temps ce soir, mais en tout cas on vous a ramené donc ce Jadouillot qui est un groupe phare de la scène française, et on va continuer avec un autre groupe qui lui est américain me semble-t-il, puisqu'il s'agit de Hardcore Superstar. Mais non Stéphane, ils sont suédois. Ah pardon, c'est le groupe de Sleaze dont tu me parlais. Voilà, c'est Poison dont on parlera juste après, qui sont américains. Ok, peux-tu nous expliquer l'évolution de la scène glam vers la scène Sleaze s'il te plaît? C'est-à-dire, donc on va en reparler avec Poison tout à l'heure, mais dans les années 80 il y a eu une seconde vague de groupes glam américains avec les Poison, Motley Crue, etc. Plus hard rock. Voilà, plus hard rock. Et c'est vrai que depuis fin 90, début 2000, la Suède est devenue un peu le nouveau Los Angeles. Et il y a beaucoup de groupes dans un style sleaze glam. Sleaze, c'est-à-dire un petit peu plus sale, entre guillemets. Au niveau du look, c'est plus cuir noir. Avec, c'est moins paillettes. Avec toujours un maquillage, bon, toujours l'eyeliner de rigueur. On va dire c'est plus rocker de base, un petit peu plus apprêté que les rockers normaux. Mais voilà, le côté sleaze aussi, c'est parce qu'il y a un côté un petit peu plus punk aussi dans la musique. Et Hardcore Superstar, donc, qui ont sorti 5 albums. Et là, on va passer un morceau de leur premier album qui était sorti en 2000, qui s'appelait Bad Sneakers and a Pina Colada. Et qui, à l'époque, voilà, faisait un peu une belle bouffée d'air frais à cette époque-là. Un groupe suédois qui débarquait de nulle part. Et donc leur nouvel album d'ailleurs est sorti le mois dernier, ils ont pris depuis deux albums une approche un peu plus métal, et c'est du pur glam punk en fait, voilà, teinté de sleaze, et pour les fans du genre c'est un petit classique, le premier Hardcore Superstar, et on va écouter un morceau qui résume bien cet état d'esprit et cet album, et en l'occurrence donc c'est le morceau Rock'n'Roll Star. Faces, minds like the way for God. And it's un aperçu de la scène sleaze suédoise avec un morceau que nous a ramené Stéphane dans cette émission spéciale Glam, puisqu'il s'agissait de Hardcore Superstar avec le morceau Rock and Roll Star. Exactement, tiré de leur premier album, et Hardcore Superstar, c'est vraiment le chef de file de cette vague suédoise de slim glam. Et donc on parlait de la seconde vague dans les années 80, qui est né en fait au tout début des années 80 avec Motley Crue, qui a ramené cet esprit et ce look glam à l'époque. Voilà, le punk était passé par là, la new wave commençait à naître. Il y avait plus de cuir et moins de paillettes. Voilà, c'est vrai que le punk a fait un peu le même effet que le grunge aussi au début des années 90. Ah, ça fait le ménage sur une scène au bout d'un moment qui lasse un peu les gens aussi. Un peu sclérosé, c'est vrai. Exactement. Et c'est vrai que cet exemple de la scène sleaze que tu viens de nous ramener montre un peu le... Pas le syncrétisme, mais en tout cas un petit peu la rencontre des styles punk et glam qui sont a priori antinomiques, puisque les punks détestaient la période glam et réciproquement. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose. En tout cas, dans les années 80, on a tous les clichés, notamment liés aux coiffures de certains groupes comme Europe, on en parlait hors antenne, mais c'est vrai que c'est tellement cliché, ça nous fait rire aujourd'hui, mais on a adoré à l'époque. Et c'est vrai que les deux styles se sont rencontrés pour donner ce genre de choses, et c'est vraiment du très bon. Bah, on va passer à nous... Oui, pardon ? Ouais, Poison, voilà, on va passer à Poison. C'est dans la même veine que Motley Crue, c'est-à-dire leur premier album, c'était une espèce de mélange de punk et de pop, et ça donnait cette seconde vague de groupes glam qui était influencée par le glam anglais des années 70, mais aussi par Alice Cooper, Kiss, Aerosmith, Van Halen, tous ces groupes de hard rock américains. Ben, Motley, donc, c'était assez glam, et quand est arrivé Poison avec ce premier album en 86, la Look What the Cat Dragged In, je pense que c'est clairement le groupe le plus androgyne de l'histoire du rock. Mmh. Parce que si vous regardez les photos de l'époque, les photos de la pochette, c'est limite drag queen chez Michou, quoi. C'est vraiment à ce niveau-là. Et Lita Ford, que tu apprécies particulièrement, se situe où sur cette scène? Bah, Lita Ford était style hard rock un peu FM, qui était une collègue de Joan Jett. Qui avait commencé avec les Runaways avec Joan Jett fin des années 70. Mais Poison, voilà, c'est pour moi la quintessence du hard US glam des années 80, avec tout le côté outrancier du look qui les a bien servi à se faire connaître aussi. Après, bon, ils ont choisi un look comme tout petit peu plus sobre, un peu plus rock'n'roll, tout en restant bien, bien flamboyant, on va dire. Et donc là, ce premier album a marqué le style. Il est sorti en 86 et on va s'écouter le morceau d'ouverture. C'est Cried Off de Poison pour vous. Démonio. Et on écoute Clair Obscur sur Rage. À l'instant, c'était Lou Reed avec le titre Vicious, un album Transformer sorti en 72 en pleine période, on va dire au début de la période glam rock, en tout cas outre-Atlantique. Un album dont on retrouve les titres comme Walk on the Wild Side, Perfect Day, dont on retrouve sur la BO de Trainspotting. Ah, ces deux morceaux étaient sur cet album? C'était sur cet album, Transformer. Je pense que ce sont les deux morceaux préférés de beaucoup de gens, en tout cas ouais. Parmi les miens. Quoi. Mais c'est un album qui est resté ancré dans l'esprit de beaucoup de gens. Même, qui était la BO d'un film aussi. Qui était la BO d'un film. Transformers. Ah, il fallait que j'en fasse une petite merde. Tu sors. Dans la suite vient de sortir. Ceux qui ont la webcam voient que ton maquillage transformiste décidément t'encourage à faire des jeux de mots pourris. Mais tu n'es pas dans ta page nocturne ici, monsieur. Alors, veux-tu bien tenir ta langue et laisser parler le monsieur? Donc, oh, c'était Lou Reed. Lou Reed qu'on a connu dans le groupe Velvet Underground. Donc, qui a fait la transition dans le côté psychédélique, fang rock, rock psychédélique et le glam rock. Mais à partir du moment où il n'était plus avec John Cale, de toute façon, c'était beaucoup plus rock'n'roll, quoi. Ouais. J'ai l'impression. Voilà. Donc, pour la petite anecdote, Vicious, le nom du titre qu'on vient d'écouter, a influencé Sid Vicious pour son nom de scène. Sid Vicious, le malheureux bassiste des Sex Pistols. Donc voilà. Qui, contrairement à Lou Reed, ne savait pas jouer de son instrument. Voilà. Mais qui est resté dans la mémoire collective, lui aussi. Ben écoute, c'est vrai que c'était un classique, Lou Reed. Hein, il a traversé les époques, mais il a quand même marqué son empreinte sur le glam. Et on va passer à un autre groupe qui, lui, on parlait de bande originale. Et on de parlait film. Aussi de Lou Reed, parce que tu vois, il m'a fait ma transition tout seul, tout gentiment. Parce que moi, je voulais vous passer ce soir un morceau qui est tiré du film Velvet Goldmine, qui est quand même un film emblématique sur le glam, avec des personnages à peine, on a changé le nom, mais bon, on reconnaît tout à fait qui c'est. Sorti en 99, d'ailleurs. C'est ça. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, surtout si vous aimez le glam. Moi, je voulais vous passer ce soir un morceau qui est une reprise de Roxy Music par le groupe Venus in Fur. Et pourquoi tu m'as fait ma transition ? Parce que Venus in Fur, ça vient d'un morceau du Velvet Underground, de, ouais. qui est le groupe de Lou Reed. Voilà, donc tu vois, tu m'as fait le travail. Et voilà, donc c'est un groupe fictif qui nous a fait une super reprise de Roxy Music. Voilà, que dire, ce film, moi j'ai adoré, je vous le conseille. Et le morceau se nomme 2HB, si je massacre pas trop le titre. Et voilà, bah, faites-vous plaisir dans les oreilles, parce que c'est du bonheur avec des paillettes. Si notre ami La Platine veut bien marcher. Une petite de La Platine. On parlait de film tout à l'heure sur le glam rock, je vous conseille de regarder The Rocky Horror Picture Show. Ah oui, très très bon oui, film en référence justement à ce avec un magnifique Tim Curry. C'est un peu plus sombre que la version Velvet Goldmine ouais. quand même. Par contre, évitez Tommy avec le groupe The Who parce qu'il paraît que c'est une daube monumentale. Je l'ai pas vu, je me prononce un peu long. Pas. Allez. 2HB par The Venus in Fur, une reprise de Roxy Music qui vous est ramenée par Nathalie et c'était la bande originale de Velvet Goldmine. Oh, I was moved by a screen dream. Say your pictures are living. Your death could not kill. We'll be right back. Une reprise de Roxy Music par The Venus in First pour vous ce soir dans Clair Obscur. On va aller vers la conclusion de cette émission spéciale Glam pour laquelle d'ailleurs on remercie Stéphane et Guillaume de nous avoir accompagnés pendant toute l'émission. Merci. De rien, c'était un plaisir. Ben, merci beaucoup à vous. Et voilà, donc ces messieurs qui connaissent Alice Cooper, Lou Reed et la scène Sleaze et j'en passe Tokyo sur Hotel, les bois. Tout ça, quoi. Tokyo Hotel, tu sors. Bébé Brune aussi. Seront venus nous éclairer de leur lumière dans l'émission des musiques sombres. Et moi, je vous propose, puisqu'on parlait de bande originale de musique de film à l'instant avec cet extrait de Velvet Goldmine, je vous propose d'aller vers une autre bande originale de film, un morceau que moi j'écoutais quand j'étais petit, puisqu'il s'agit de T-Rex. Et que tu faisais la danse classique. T'es content de l'avoir dit à l'antenne? Je suis content, là, je me venge. Elle balance des dossiers, là, c'est pas sympa. Non, mais T-Rex, ouais, c'est un T-Rex, classique. C'est un classique, donc avec un extrait de l'album Electric Warrior qui était sorti en 71 et qui a été repris sur la bande originale du film Billy Elliot. Très très bon film, là aussi, qu'on vous recommande. Et c'est le morceau Cosmic Dancer, une perle pour vous accompagner vers la nuit qui vous attend. On vous dit à bientôt, à la semaine prochaine. Stéphane et Guillaume, merci d'être venus avec nous. Bonne soirée à tous. Et Nathalie et moi, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I danced myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Strength to dance so late. Is it strength to dance so late? Strange to dance so soon. I dance myself into the tune. Is it too wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? Myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune. Myself out of